sorti les veines. Oh, tout seul, couché, si couché. Oh, là, oui, vous bâtiez, qui t'a encore fumé. Qu'on fatigue.